Yeah. Tu crois en moi, je crois en toi. J'ai le cœur brave, je viens de loin. 91 Nda, rejoins-moi. Je suis un homme comme toi. Apotrache, ce soir mon encre est noire. 2006, mon rap. Laissons mourir les losers. Yeah, Apotrache, VR se légende. T'inquiète, nouvelle équipe, nouveau souffle, nouvelle année. Yeah, Apotrache, Apotrache, récidive production, m'amène poisson. Laissons mourir les losers. Les losers parlent sur ma tête, parlent dans mon dos. Ils veulent savoir si je fais de la maille, si je crève la dalle. Tu veux savoir si j'ai des plans, si j'ai des biatchs. Sache que je suis de ceux qui ont trop la dalle. Ils parlent, ils jactent, ils bavent dans mon dos. Ils m'ont laissé pour mort mais n'ont pas fini le boulot. Depuis, j'ai sorti la tête de l'eau. La musique m'a ramené où tu n'iras jamais. Putain, 10 ans de rap dans les pattes, toujours pas dans les charts. J'frappe là où ça fait mal, après si tu veux on parle, ok. S'il suffisait de bien rapper pour palper, beaucoup d'MC n'auraient pas de blé. J'suis visionnaire 3G. Malgré mes 3 grammes d'alcool dans le sang, je vise toujours dans le centre et t'es toujours dans le vent. Si tu tiens à tes dedans, de devant, faut que t'apprennes à tenir ta gueulant plus souvent. Beau parleur, les lascars parlent d'armes de guerre, alors qu'en fait ils n'ont jamais tiré au lance-pierre. Les bolos jouent au gangster jusqu'au jour où ils prennent du fer. Je te laisse devant parce que le lièvre arrive toujours deuxième. Continue de péflant, tu ne sais pas que les mots me brûlent les lèvres. Ma toupie tourne encore quand la tienne n'a plus d'effet. Putain, ton rap est plus que faible. Ça fait 4 ans que j'écris plus mes textes. Les losers parlent sur ma tête, parlent dans mon dos. Ils veulent savoir si je fais de la maille, si je crève la dalle. Tu veux savoir si j'ai des plans, si j'ai des biatchs. Sache que je suis de ceux qui ont trop la dalle. Ils parlent, ils jactent, ils bavent dans mon dos. Ils m'ont laissé pour mort mais n'ont pas fini le boulot. Depuis, j'ai sorti la tête de l'eau. La musique m'a ramené où tu n'iras jamais. Putain, les lascars s'amouragent de petites biatches qui pompent tout ton jus, toute ta thune, tout ton temps et puis escassent. Toi comme un bolos t'as mal, elle a pompé toute ta maille. Le temps que tu réalises, elle se trouve une nouvelle volaille. Je joue ma dernière carte, je tire ma dernière balle. Une balle pour un mort, normal. Putain, je suis venu pour tuer, pas pour blesser. Un seul essai, je vais pas te louper. Tout se passe dans la tête, tout est psychologique. Fais ce que tu peux faire, même si les putains parlent comme si tu leur devais. C'est la frustration de l'éternel deuxième. Tu sors jamais du texte, pourtant tu rêves de caresser le ciel. Avant de balayer chez moi, balaye d'abord ta pièce. Je vais pas refaire le monde, je peine à me refaire moi-même. Mon rap est fait pour mettre la bouffe dans ma gamelle. Tout ce que tu touches devient de la merde. Les losers parlent sur ma tête, parlent dans mon dos. Ils veulent savoir si je fais de la maille, si je crève la dalle. Tu veux savoir si j'ai des plans, si j'ai des biatchs. Sache que je suis de ceux qui ont trop la dalle. Ils parlent, ils jactent, ils bavent dans mon dos. Ils m'ont laissé pour mort mais n'ont pas fini le boulot. Depuis, j'ai sorti la tête de l'eau. La musique m'a ramené où tu n'iras jamais. Putain de loser. Ok, yeah. Sale bâtard, va, sale bâtard. Ok, Apotrache. Apotrache, boy. Gaffe, on a perdu le grand de sûreté. On a perdu depuis. Viens pas test, boy. Trop la dalle. Ok. Ok. Putain de loup.